vacation. In some stupid little town, a black killer. À toutes et toutes, la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver pour cette 92e Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur ton radio favorite mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver pour cette 92e session de la Vampire Freak. Merci d'avoir été si nombreux à donner vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, l'émission radio, au cours de la première émission de la rentrée pour cette troisième saison déjà. Et ça va durer longtemps encore, j'ai du son pour 20 ans, je vous promets. On commencera tout de suite avec London Calling des The Clash. C'est sur l'album London Calling, leur troisième album sorti le 14 décembre 1979. On retrouve Brand New Cadillac, Spanish Bomb et The Guns of Brixton, entre autres. On continuera ensuite avec Requiem for a Goodbye de Mirat, c'est sur l'album Tale of the Sands, sorti le 27 septembre 2011. On retrouve Braving the Seas, White Shot et Beyond the Stars. On continuera avec une nouveauté, Je vois, de Vex, c'est sur l'album Encore, leur deuxième album sorti en mai 2017. On retrouve Ma Génération, Pas à Pas, Du Bon Côté. Allez sur la page Facebook de Vex, ils sont aussi sur Bandcamp. Ils cherchent des dates, contactez-les sur les réseaux sociaux. Je vous filerai le lien sur la page Facebook de l'émission. On continuera avec un classique, Redness Train de Judge Dredd, c'est sur l'album Bedtime Stories, sorti en 1975. On retrouve Je t'aime, une super reprise de Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, What a Beautiful Pair et Trenchtown Billy. On finira ce bloc en live avec American Nights des Runaways, c'est sur l'album The Runaways, sorti le 1er juin 1976. C'est le groupe qui a révélé Lita Ford et John Jett. On retrouve Cherry Bomb, Lovers et To Blackmail. The ice age is coming. The sun's zooming in. Engine stopping it, the wheat is going thin. A nuclear arrow, but I have no fear. Cause London is drowning and I live by the river. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Now get this, London calling, yes, I was there too. And you know what they said, well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Yeah. menant au plus grand des incendies, appelant les saints au parloir pour des années. Des choses sans mélodie. Et moi je vois, hâtée de croire ta douce folie sans souci. Et moi je vois tes yeux ouverts sur l'infini, si loin de la misère, toujours aussi fier et l'esprit clair, jamais à l'envers, le pied sur terre. Et il y a toi, un sensuel en ce foutoir, mon amour, un homme pâlie. Mais il y a toi, toi, si belle en ce foutoir. Ah. loose, but she wasn't tight on the rudeness train. Ooh. Ice. Whether you're small or whether you're large, whether you're soft or whether you're hard, it's a rudeness train. She also had a bear. I've never seen a little pig, but I've often had a bear. And the rudeness train. On the rudeness train. A bi-blue stood on the burning dock, waving and shaking his big hair. On the rudeness train. Slow down. Slow down, brother. You're going too fast. Tito, c'était Beautiful, Lita. Vous êtes toujours dans la 92e Vampire Freaks, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de commencer l'émission avec un bon bloc, la London Calling de The Clash, Requiem for Goodbye de Murat. Je vois le nouveau Vex, allez sur la page Facebook de Vex. On a continué ensuite avec Rudeness Train de Judge Dredd et on a fini ce bloc en live avec American Night de Runaways. On continuera cette émission avec Porsche Golovar de Tankar, c'est sur l'album Tankar sorti en 1995. On retrouve Grave New World, Crazy Counter et Atomic Light, un classique de ses classiques. On continuera ensuite avec une nouveauté Mouima des Jambonbeurs, c'est sur leur premier EP, 6 titres, Sourire Exigé, sorti en octobre 2016. On retrouve Kamagueul, Zimen, Afous, Mouima, Big Up et Woody. Allez sur la page Facebook des Jambonbeurs, ils sont aussi sur Bandcamp et il y a peut-être du YouTube il me semble. Un petit like au passage, ils sont du Puy-en-Velay, recherchent des dates, contactez-les via la page Facebook de l'émission, je filerai les liens dans la semaine. On continue ensuite avec Celebrate the Bullet de Selectors, c'est aussi le titre de ce super album sorti en février 1981. On retrouve Deepwater, Red Reflection et Train to Scaville, du très bon ska classique. On continuera ensuite avec Obsession de Satan Jokers, c'est sur l'album Psychiatric sorti en 2013. On retrouve Crime Tribal, Schizophrénique et Camisole Chimique. Ils adorent faire ça, les Satan Jokers, des concept albums. Et on finira ce bloc en live avec Earthblood de Doro, c'est sur l'album Fear No Evil, son 10e album de la Metal Queen, sorti en 2009. On retrouve The Night of the Warlock, Celebrate et It Kills Me. Vivement qu'elle sorte un album. Fire in his head, world was turning all red. This wall of emotion crashing down on him. Soul crushed and drowning. Deeper than the roots, louder than his own scream. Swarm thoughts rushing in upon his open mind. No way. That curse that haunts his family. All pain and pleasure unceasingly tied into his identity. Hail fire, push your gun upon. It's not a fire, prisoner of my sense of liberty. I cannot be alone with me. I go home, it's my long relief. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your goodness and your honesty. I'll be your happiness and your excessiveness. I'll be your sadness and your darkest fear. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your evil and insanity. Your insanity. Your insanity. That rejection, confused by the power raging in his mind. No help from outside. That'll make a shock when he found the sidewalk. Madness overwhelming and insanity. Close to the breakdown. The gift of feeling wild others feel. That curse that haunts his family. All pain and his identity. Head on fire, force your gun upon. It's not a real fire, prisoner of my sensitivity. I cannot be alone with me. I thought it's my loneliness. I will be all of you, I will drink your souls. I'll be your goodness and your honesty. I'll be your happiness and your excessiveness. I'll be your feeding on the feelings coming on. Lost in the other. The gift of feeling while others feel that curse that haunts his family. All pain and pleasure unceasingly tied into his identity. Head on fire. And your honesty, I feel your happiness and your excessiveness. I feel your sadness and your darkness fear. I will be all of you, I will take your souls. I feel your evil and insanity. Your insanity. Tanger, s'achèlerait sa misère, quitte à mettre ma vie en danger, quitte à sombrer en pleine mer. Je nagerai vers le bonheur, et ce même si j'ai pas pied. La vallée de son pavé d'or, j'aurai mes chances de palper. On dit que la belle aime la bête, si Dieu veut j'aurai les papiers. Si elle t'aime selon le compte chèque, selon l'étage ou le plein pied. Alors c'est décidé, et dès demain je m'en irai à la conquête de mes idées, contre vents et marées. Yamouima, Yamouima, Yamouima, mais t'es plus quiche. Ce n'est qu'un au revoir. Un jour je reviendrai et accomplis mon devoir. Yamouima, Yamouima, Yamouima, ma petite quiche. Ce n'est qu'un au revoir. Ici on meurt de faim, mais qu'on se nourrit d'espoir. Je me réfugie dans ses hauteurs. J'attends qu'il se fasse tard, que la nuit impose sa noirceur. J'observe les radars ainsi que les rondes des contrôleurs. Accueillis par quelques frères, il y en a même de toutes les couleurs. Ce sera mes derniers mots, je ne mouille ma car il est l'heure. Avant que je me jette à l'eau, sache que je t'aime de tout mon cœur. Un jour je reviendrai, tu seras fier de ton fils. Si je sombre d'après, mais je préfère prendre le risque.

Dans la 92e Bumper Afrique, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Porcher Golovar de Tankar, Mouima, le nouveau Jean Bombeur. Allez sur la page Facebook de Jean Bombeur. On a écouté ensuite Celebrate the Bullet, le magnifique dub de Stelectors. On a continué avec Obsession de Satan Jokers. Et on a fini avec ce morceau qui fout la chair de poule, Earthblood de Doro. On continuera cette émission avec une nouveauté, Freaks. C'est du groupe Wild Mighty Freaks. C'est sur leur premier EP titré Guns and Cookies, sorti en 2017. On retrouve The Last Time, Empty Skies, Freaks, Jungle, I Get Out et My Way. Allez sur la page Facebook de Wide Maltese Freaks. Ils sont aussi sur Bandcamp et YouTube. Partout, je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. On continuera avec une autre nouveauté, One More Time de Reagan Cowboys. C'est sur l'album de Cowboy Code, leur nouvel album sorti le 5 mai 2017. On retrouve It's Coming Down, One More Time, No Peace, un excellent album. Et je tiens à remercier le camarade B au passage de m'avoir fait découvrir et fait passer les sons, parce qu'ils sont très durs à trouver chez nous. On continuera ensuite avec un grand classique, Saumur de Trust. C'est sur l'album Répression, sur leur deuxième album sorti le 30 mai 1980. On retrouve Antisocial, Instinct de mort, Le Mitard, un classique de ces classiques. Et ça, c'est pour ma tata Zaza. Et on finira continuera cette émission avec The Play It Cool de Alton Ellis. C'est sur l'album Still In Love, sorti en 1977. On retrouve Change Of Plane, Confusion, Reggae Review, un classique de chez classique. On finira ce bloc en live avec Backbone de Gojira. C'est sur l'album Hellfest 2016. On retrouve Toxic Garbage, Silvera, Only Pain, un excellent album. Wild mighty freaks, yeah. Back from the dead, buried my grave, huh? Blood in my eyes, anger in my brain, huh? Sharp tooth, I wanna swallow the game, huh? I wanna beat the world, make any say my name, yo. I'll be the witch, you're my Cinderella. I'm gonna make you sneeze mozzarella till you throw pizza, salt cholera, until I eat the fruit of your trance, yo. They call me freak, cause they can't understand. I'm a dream chaser, hereafter is my lamb. I'm rebirth, but you collapse is my end. You can scream, but I stand like I didn't give a damn. A bit of vampire, a bit of bitch, yeah. No life is not a movie, you can switch, yeah. No happy hand, you will rest 6 feet under. Wild mighty freaks hit me the world. I hear that music on my head. It's turned me over. Tonight I lose my control. I'll make you free. It's time to breathe. Run away, cause I'm a motherfucker. Nightmare begin, I'ma be my own disc like Tupac and Biggie. French schizophrenia, it's literally the worst thing you could ever imagine. I'm a black Santa Claus, red hat, black rare, spear my clover. This the beauty, pretty try present to the freezer. I'm a taboo, like a fuck Diana. Craziest monster, I'll do anything. Stronger, I got bliss, cause I got power. Fill my soul, damn the hour, baby. We're gonna get you like it was the mirror. Get your head off, let me taste a saver. No happy hand, you will rest 6 feet. Why my dear friends here to be the world? I hear that music on my head. It's turned me over. Tonight I lose my control. I'll make you free. It's time to breathe. Run away, cause I'm a motherfucker. Mr. Darren Killer, pull up, gunshot. Motherfucker, give me the mic and dance non-stop. Check cell, bless me what this fuck skit tell. Shop is a fuck, help me back, I'm on the level. Kill them, land them up, it's all a mash up. Kill them, like it up, I don't care. Kill me come as a man, no man a beast can a. Mash up lyrics, sell up and me like a. Who me a beat you, no ke met sa bada. The box on la place, accompany de to me soldier. I need it, I like it. Cause I'm a motherfucker monster, monster, mama, monster, monster, mama, monster, monster. Cause I'm a motherfucker monster, monster, mama, monster, monster, mama, monster, monster.

really makes no difference. I've got love and no. Easy squeeze, it makes no riot. If you know it's gonna hurt you, then you play it cool. Easy squeeze, it makes no riot. If you know it's gonna hurt you, gonna play it cool. Look at rock you, rock you, rock, rock on time. Rock you, rock you, rock, rock on time, yeah. Rock you, rock you, rock, rock on time. Without the money I know, it really makes no difference. I've got love I know. Easy squeeze, it makes no riot. If you know it gonna hurt you, play it cool. Easy squeeze, it makes no riot. If you know it gonna hurt you, then you play it cool. I'm just bagarre. Vous êtes toujours dans la 92e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Freaks, le nouveau Wild Mighty Freaks. Allez sur la page Facebook de Wild Mighty Freaks, c'est un excellent groupe. On a continué ensuite avec une autre nouveauté, One More Time, des Reagan Cowboys. Allez sur la page Facebook des Reagan Cowboys, ils sont sur YouTube. Allez, on a continué ensuite avec Saumur, de Trust. On l'a joué cool avec Play It Cool, de Alton Ellis, et on a lâché les chevaux avec Backbone de Gojira. On continuera cette émission avec une exclue et une nouveauté, c'est Des Nouvelles du Ciel de Madame Guillotine. C'est le premier single d'un prochain album qui sortira en octobre prochain. Des nouvelles très vite. Ils sont sur Facebook, YouTube, ils ont fait un super clip sur cette chanson-là. Je le partagerai sur la page Facebook de l'émission et sur ma page personnelle. On continuera ensuite avec une nouveauté. Oui, là, il y a que des nouveautés. À bout portant de 22 longs riffs, c'est sur l'album Bal Populaire qui vient de sortir. On retrouve Petit Soldat, Ton Combat, Bal Populaire. Un excellent album. Allez sur la page Facebook. Ils sont sur Bandcamp, YouTube, Deezer, ils sont partout. On continuera avec Voter pour moi, une autre nouveauté de Control Tober. C'est sur l'album Bienvenue dans le quartier. Enfin, son premier EP 4 titres, sorti en mai 2017. Bienvenue dans le quartier. On retrouve Bobo, Votez pour moi, Comment fallait-il, et Écoute, il est sur Facebook, Bandcamp, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec un retour gagnant, les Soucoupes Violentes, avec le mec le plus cool de la Terre, c'est sur leur nouvel album, Fort Antérieur, sorti en juin 2017, 100% tout neuf. On retrouve Sur tes lèvres, Trop méchante, et Ma tête sur un plateau, un excellent album d'un grand classique indé, un grand groupe indé des années 80 qui revient en force avec du tout neuf. On continuera ensuite cette émission avec on finira du moins avec Tant qu'on a que la haine en live de OTH, c'est sur l'album Le Live, sorti le 10 octobre 2011. On retrouve Cœur de chien, Sauvagerie et Les clowns électriques, du son classique de chez classique. We'll be right back. moins d'impôts, moins de taxes et bien plus de liberté et 10 semaines de congés payés. Votez pour moi ceux qui veulent voir ma seconde femme entièrement siliconée en 4x3 et à Walpé. Les écolos qui chaque matin veulent un grand verre de lait frais, moi et ma vache je viens vous livrer. Les grands patrons qui n'en peuvent plus veulent délocaliser, je ferai des charters de Niakoué. J'aurais aimé être un bourgeois pour faire la révolution, pas celle souhaitée, au moins celle de la télévision. Faire la une des journaux, passer aux informations, au journal de 20h. Hélas, je suis né, y'a pas 36 solutions. Y'a brûlé les bagnoles, voter lors des élections. Faire la grâce un dimanche et répéter des pièges à conspire bien avant l'heure. Heureusement qu'il y a les socialistes, Arlette, les Verts et le Parti communiste, car ils travaillent pour nous. Non, non, non, car ils travaillent pour eux. Oui, sûrement, ils travaillent à nous faire croire que nous, c'est eux. Mais depuis le temps, dis-moi, voit-on venir le mieux? J'ai cru en eux, en un avenir pour nos fils. La prochaine fois, je vote pif. Votez pour moi, pour moins mandat, pour moins de taxes et bien plus de liberté et 12 semaines de congés payés. Votez pour moi, ceux qui veulent voir ma seconde femme entièrement siliconée en 4x3 et à Walpé. Les écolos qui chaque matin volent un grand verre de lait frais, moi et ma vache, je viens vous livrer. Les grands patrons qui n'ont pas pu veulent délocaliser, je ferai des charters de Niakoué. J'aurais aimé être un bourgeois pour faire la révolution, celle des 10 piques le mois, les parents en obligation, des conseils d'administration. L'argent sans rien faire, on appelle ça action. Moteur coupé, sport, homme dynamique, ma manucurée. Pour signer l'heure du jour, relance chasse à course, sans se bouger, on garde le cheval, mais plus besoin de ravateur. En mai 68, les étudiants, dian dian, firent grève pour approcher les jeunes filles. Le plus ma révolution, dit-on, mais l'événement ment. Tout ce qu'il reste aujourd'hui, c'est la fin d'un pétard mouillé, soit en même de compromis. En souvenir de Mao, je délocalise en Asie, je délocalise en Asie. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. J'aurais aimé être un bourgeois pour faire la révolution, défendre des idéaux à la une de Libé. Ration de pain, toujours d'actualité, malgré les têtes coupées, de nos jours bien placés, à croire qu'il fallait brûler. Après pour ne pas les voir repousser. Les limites on aimerait les franchir, mais c'est bien loin que je vois partir. Y'a des gens bien placés, des jeunes de 50 ans guettant les places, des aînés cholestérol compris, qu'importe les idées, tout dépend le rôle qu'on prend pour arriver en haut. Viendrait même plus à la tête de couper la leur, ni la parole d'ailleurs. Non non non non, ni la parole d'ailleurs. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Bientôt sur mes 300 ans. J'sais pas pourquoi je suis toujours aussi fier. C'est peut-être juste que je suis comme mon père. Bien sûr, toujours sur le sentier de la guerre. Mais bien qu'en fait, je suis comme ma mère. Je suis le mec le plus cool à la terre. Je suis le mec le plus cool de la terre. Mon sport préféré, me foutre en l'air. Alors qu'il faudrait juste que je laisse faire. Faudrait aussi que j'apprenne à me taire, plutôt que griser contre la terre entière. Putain, c'est fatigant la colère. Je voudrais bien m'asseoir au bord de la rivière. Mais moi faut vraiment que j'ai les deux genoux à terre pour commencer à dire mes prières. rester. Alors dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? 20 ans après, c'est les trois mousquetaires. Mais aujourd'hui, je me sens comme hier. Je me demande bien avec qui je vais croiser le fer. Je vous dirais bien que je suis con et c'est le contraire. Des fois le diable, des fois je me prends pour Dieu père. Mais j'ai bien peur que vous me prêtiez des grands airs. Alors qu'en fait, j'aimerais juste y voir clair. Je suis le mec le plus cool à la terre. Le plus cool de la terre. Je suis le mec le plus cool de la terre. Je suis le mec le plus cool de la terre. Je suis le mec le plus cool de la terre. Je suis le mec le plus cool de la terre. Voici une chanson prétentieuse qui s'appelle « Quand on a coulé la haine ». Aussi loin que je me souviens, à l'aube de ma création, j'ai appelé à moi la beauté. Je l'ai assis sur mes genoux et je lui ai dit: ça n'est pas pour aujourd'hui. Rendez-vous 33 ans plus tard si le diable le permet. Les yeux grands ouverts sur le mystère, j'ai étranglé la solitude. Par la seule force du vice, je me suis lancé dans le vide. Sans être méchant, on peut devenir tyran. Quand on n'a que la haine en partage et comme seul héritage. Si je passe ma vie à frôler la mort, si j'ai la dégaine ivre du sort, si je me fous de ce que disent les gens, c'est que je suis fils de la pluie et du vent. Et même si ma bouche blasphème, si elle se nourrit de poison, c'est la pureté et l'innocence qui la font hurler de passion. Ce sont elles qui embrassent, qui mentent, qui lèchent et qui blessent. Quand on n'a que la haine en partage, c'est comme seul héritage. Ouah! J'ai découvert le bonheur, j'ai arraché le cœur d'une femme comme les ailes d'une libellule. Le mal que j'ai fait, je ne peux jamais l'oublier, car je n'ai que la haine en partage comme seul héritage. Je suis le frère d'une fleur cigane et mon royaume est là-haut où coulent mes larmes. Et mes frontières sont là-haut qu'on met pas. Je suis fils de la pluie et du vent. Aussi loin que je me souvienne, à l'aube de ma création, j'ai appelé à moi la beauté. Je l'ai assis sur mes genoux reste et je lui ai dit, ça n'est pas pour aujourd'hui. Alors, rendez-vous 33 ans plus tard, si le diable le permet. Rendez-vous 33 ans plus tard, si le diable le permet. Rendez-vous 33 ans plus tard, si le diable le permet. T'as raison, Spi, tant qu'on a que la haine en partage et pour seul héritage, on n'arrivera pas à grand-chose. On a écouté des nouvelles du ciel en exclusivité de Madame Guillotine, à bout portant le nouveau Van de Long Rifle, Votez pour moi le nouveau Control Tober, le mec le plus cool de la Terre, le nouveau Soucoupe Violente, et on a fini ce bloc en live avec Tant qu'on a que la haine de OTH. On continuera cette émission avec Supernova de Radio Belgrade. C'est aussi le titre de ce super album sorti en 2015. On retrouve La Machine, À ton nom et L'Étendard. Un excellent album. Dommage que ce soit un peu rare à trouver. On continuera ensuite avec Apocalypse 894 de Stupéflip. C'est sur l'album dit Hypnoflip Invasion sorti en 2014. On retrouve J'aime les moches, Stupéflip Vite et Hater Killers. Ils ont sorti un nouvel album Stup Virus il y a pas longtemps. Je diffuserai dans prochaines émissions. On continuera avec Miss Autopsy de Sandy Trash, c'est sur l'album Tu veux monter dans le wagon sorti en 2016. On retrouve Gogo Pussy, Bazooka et une super reprise de Fuck Them All de Mylène Farmer. Elle m'a lâché un truc, ils vont sortir un album en octobre et je vais la voir, donc je vais avoir le nouveau Sandy Trash à sortir bientôt, des nouvelles très très vite. On continuera avec une nouveauté, Run de Foo Fighters. C'est sur l'album Concrete and Gold qui sortira le 15 septembre prochain. On retrouve T-shirt, Dirty Waters et Snowy Rain. Hâte de le découvrir et de vous le faire partager. Et on finira cette émission avec un classique de chez classique, Great Balls of Flyer de Jerry Lee Lewis. C'est sur le live at the Star Club de en 1964, on retrouve I Got a Woman, Money That's What I Want et Long Tall Sully. Lui aussi, il nous a lâché la rampe, Rest in Peace, mais bon, il a quand même laissé une bonne trace et inventé le rock'n'roll quelque part. Aussi loin dans l'univers, aussi loin. foule affronce. Mon truc t'étouffe comme le couscous. Et la grosse secousse dans la brousse, pourvu qu'elle soit douce. Et sincère, ça m'est faux cul comme le Medef. Et ses bornes Toulouse, comme les responsables d'AZF. C'est Mururoa, toxique comme la morora. Tu murmures, ça te rend tout comme un koala. T'es zona, mon truc t'attaque comme un zona. Repense à tous ces zous dans ta somme, tu zona. Reste zen, arrête de t'en foutre dans zen. Stup, c'est de la drogue, va l'écrire dans ton magazine. C'est comme Materazzi et Zinedine. Et je te shoot dans la tête, envoie ton crâne jusqu'aux Philippines. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Quel charivari, ça balance grave à Paris. 894 membres, parfois ça varie, me pompe pas. Ma façon de crier, ou c'est tribunal, le gang des motards sera resté original. Quel gabji, ça se castagne au CIDJ. Noir et ma magie, mais jamais ça s'est assagi. Profil bas, j'suis pas très pisse ni en bas là-bas. Il restera entier ce mystère au chocolat. Soumets-toi, rancard à 4 heures sur le toit. Amène tes arguments, j'amènerai mon nunchaka. Ma colère gronde, j'te ferai cuire au micro-ondes. J'irai pisser sur ta tombe, ce sera immonde comme la fin du monde. Just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. Nick, knack, paddy, wack, c'est rascar, kabak. Ma technique te slack, mon meilleur pote, c'est mon Mac, mec. J'aime mon hamac, mais ma technique te nique. J'suis trop esthétique quand j'ai bu de gin tonic. Époque en toc, que le grand cric me croque. Bla bla bla, fuck le rock et le baroque. Dans peu de temps, je serai la coqueluche. Y'a trop de cons qui lèchent. Rien pour me serrer la paluche. Ma stupzik fout des hématomes. Et y'a pas de mal, vu l'état de la zik dans l'hexagone. Ça fait poum poum tchac. Mon truc te déstresse la nuque, mec. Accroche-toi au rideau, quand je déboule, ça fout la frousse. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, it's just another way of thinking. I don't know if you realize. The crew, the crew, the crew, the crew, the crew. Photos burning on the roofs, and I gather slaves in my tongue. broke the wheel of the tree. Run this great, great ball of fire. I let you live on my thought it was funny. Then you came along and you moved me, honey. I gave my mind a little sign. Run this great, great ball of fire. Kiss me, baby. Hold me, baby. Little woman, let me like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it's always fun. Come on, baby, you drive me crazy. Heaven is great, great balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Feel my nails, cradle my thumb. I'm a little bit nervous, but it's always fun. Come on, baby, drive me crazy. Heaven is the greatest, great balls of fire. On vient d'écouter Supernova de Radio Belgrade, Apocalypse 894 de Stupéflip, Miss Autopsy de Sandy Trash. Allez sur la page Facebook de Sandy Trash. On a écouté ensuite Run, nouveau Foo Fighters, et on a fini ce bloc en live, avec Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. Cette 92e Vapeur Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore d'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vapeur Fix, l'émission radio. On retrouve aussi l'émission sur archive.org. Je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec Mashup de Party, le nouveau George Dub featuring Loudfire. C'est sur l'album Friends Meeting qui vient de sortir en début de ce mois-ci. On retrouve Look Around avec Loudfire, Yankar avec Tomso, The Godfather avec Ellen Ford. Un excellent album à découvrir sur Bandcamp. Il est aussi sur YouTube. Il est aussi sur Facebook. Allez-y, un petit like au passage. C'est du très très très bon dub. Ils recherchent des dates, contactez-les. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vapeur Fix, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Yes, we mash up the party. Yes, we mash up the party. We are soldiers of the army. We wanna love and unity. Yes, yes, we mash up the party. Yes, we mash up the party. We are soldiers of the army. And follow me, follow me, follow me. Call your brothers and sisters and all your family. Call your brothers and sisters and all your family. So me say Lord have mercy. So me say Lord have mercy. For all the other son in the party. For all the other son in the party. Yes, we mash up the party. Yes, we mash up the party. We are soldiers of the army. We wanna love and unity. Charge the mash up the party. Charge the mash up the party. We are soldiers of the army. We wanna love and unity. Stand up and follow me, follow me, follow me. Stand up and follow me, follow me, follow me. Call your brothers and sisters and all your family. Call your brothers and sisters and all your family. pâté. J'adore ma chaîne des pâté. We are sad as a jamé. We wanna love and unity. J'adore ma chaîne des pâté. J'adore ma chaîne des pâté. We are sad as a jamé. We wanna love and unity. Yes, we mash up the party. We are sad as a jam. We wanna love and unity. Judge that mash up the party. Judge that mash up the party. We are sad as a jam. We wanna love and unity. Wow!